peux conquérir la terre. Tu peux mettre à sang le monde et le feu aux rivières. Il suffira qu'une femme te regarde dans les yeux et tu rendras les âmes de l'amour. Car nul ne résiste, oh non, car nul ne résiste, oh non, au feu qui fait brûler. L'amour d'une femme, car il ne résiste. Oh non, non, car il ne résiste. Oh non, au jeu qui fait gagner. L'amour d'une femme, d'une femme. Toi qui dis n'aimer personne, qui ne parle d'amour que pour mieux l'éviter.